Les élites de Jonquière sont premiers au classement général. De mémoire, ça fait une éternité que ça je pense ça n'a jamais arrivé. Quoi qu'il en soit, pour parler de ses succès, on parle avec l'instructeur-chef Steve Taillot. Salut Steve! Oui, salut. Oui, ça va bien. Hey Steve, ça a-tu arrivé? As-tu déjà arrivé de voir les élites en tête du classement? Même les dans le temps des cascades à l'époque? Je pense pas sûr, moi. Honnêtement, pas dire si, avec certitude si c'est déjà arrivé. Par contre, je sais là, que la meilleure année des élites, là, c'est, je pense, que c'est déjà les années 90 avec l'entraîneur Martin Bessé. Okay. Les élites ont quand même une belle saison, mais s'il y avait, si on avait pris la tête là, du classement général là, durant la fin de saison, je pourrais pas. Okay. Est-ce que tu qualifies ça d'une surprise? Si on t'aurait dit, on a fait une entrevue, je me rappelle, en début de saison avec toi, puis tu me disais. T'avais pas vraiment ça comme objectif d'être au premier au classement général. Est-ce que tu qualifies ça de surprise? Je dirais que oui, quand même. Oui, hein? Oui, parce que, tu sais, ça, tu sais, si tu veux me dire en début de saison, comment je voyais notre équipe et tout ça, je me disais, on est plus une équipe, là, une milieu de peloton, je dirais, là, sur une équipe, là, peut-être, aux alentours, là, tu sais, de 7, 8, 9. OK. Deuxième place, là, on n'a pas encore tenu une équipe. On n'a pas encore affronté chacune des équipes, mais par contre, là, ce qu'on peut voir à date avec les équipes qui ont à jouer, on joue des matchs serrés de temps en temps, puis on compétitionne à chaque match. Peut-être avoir un match là, jusqu'à là depuis la saison, puis on voit là, que quand on compétitionne à chaque match, là, on est en mesure d'aller chercher des... OK. C'est quoi la force de l'équipe? C'est pas nécessairement des vedettes? C'est pas nécessairement... C'est quoi, en fait? C'est un bon jeu collectif? Oui, exactement. Que ce soit les gardiens, les défenseurs, les attaquants. C'est vraiment le fait de jouer en tête simple, puis le fait que les joueurs... C'est d'avoir un plan, puis que les jeunes suivent ce plan-là. Okay. Au niveau collectif, là, que le plan soit bon ou pas bon, mais je pense que la base qui est importante, c'est que d'avoir justement un plan, puis que les jeunes, puis que les joueurs le suivent, le fait de jouer, là, selon, justement, ensemble, puis c'est aussi le fait d'être dévoué, là, tu sais, de jouer, là, en équipe, puis c'est ce qui est intéressant, je pense, jusqu'à maintenant, mais tout le monde est en mesure de tirer son épingle. OK. Si on parlait de maintenant du hockey dans la région, certainement que le fait que les élites, ça restera peut-être pas durant l'année, mais ça veut dire que le hockey dans la région s'améliore énormément, là. Ben, tout est énormément, le travail est quand même fort. Justement là, pour voir le développement des jeunes, que ce soit en salon, au niveau PUI, sont dans la structure intégrée, là, au niveau PUI de A, Bantam de A, au niveau budget espoir aussi. Depuis quelques années, là, je pense que ça s'est amélioré au niveau là, de préparation des jeunes là, pour lorsqu'ils arrivent à 15 ans, justement, 5 ans pour jouer évoluer dans le niveau budget 3. Puis l'identité aussi, là, on veut avoir une identité là, dans la région, là, comme territoire, comme structure, d'avoir des joueurs qui travaillent fort, puis qui ont une éthique de travail là, qui est réprochable. Puis on voit là, que à la base, dans le fond, c'est ce qui fait le succès des élites. Ah oui, ah oui. Puis hop, les gars arrivent vraiment là. OK. Parle-moi des trois joueurs qu'on suit particulièrement ici parce que c'est des joueurs qui sont du haut du lac. Jérémy Fortin est régulièrement sur la feuille de pointage. Lui, là, il connaît un bon début de saison, hein? Ah oui, Jérémy, c'est un gars qui, justement, là, quand il n'y a pas de demi-mesure, c'est là que quand tu te concentres sur bien jouer défensivement, puis travailler là, à chaque présence, c'est là qu'il va offensivement tout débloque. Puis c'est ce qui est arrivé le dernier match principalement. Là, je suis très fier de la façon qu'il s'est comporté sur la glace. C'était vraiment pour l'équipe, c'était vraiment vraiment là. Je pense que c'est lui qui travaillait plus fort là, chaque fois qu'il est sur la glace. Puis, toutes les buts qu'il est allé chercher, c'est des buts qui se passent là. C'est des buts d'intensité. C'est près du filet. Puis c'est sa façon à lui, justement, de contribuer offensivement. Puis depuis quelques matchs, souvent meilleur là, sur la glace. Jean-Simon Bélanger qui vient d'être rappelé par les Saguenayens. Je parlais avec Sébastien Morin. J'ai une chronique avec Sébastien toutes les semaines et il me parlait comment il a joué en fin de semaine avec les Sags. Les présences qu'il a fait, il s'est très bien débrouillé. Hein? Oui. J'ai pas pu le voir. J'ai pas vu là, de la façon qu'il a pas vu ses matchs là, avec les Saguenayens, mais De ce que j'ai entendu, ce que je me suis dit, là, c'est que très très bien fait ça, là, surtout là, dans son jeu avec la rondelle, est en mesure de faire exactement ce que les entraîneurs là, du Saguenay lui ont demandé, puis très très bien fait ça dans ces deux parties avec lui. En fait, okay. Et le défenseur, défenseur Jérôme Gravel, qu'on connaît un petit peu moins. Lui c'est plus un défenseur défensif. Voilà. Est-ce qu'il connaît un bon début de saison, lui aussi? Oui. Jérôme, c'est notre capitaine. Ouais. C'est le capitaine de notre équipe. Puis, c'est un jeune qui a beaucoup de caractère, beaucoup de leadership, beaucoup de maturité aussi. Puis, Donc, si on est loin de travail d'équipe jusqu'à maintenant, qu'il y en a un à qui on peut donner une partie de l'esprit, justement, par rapport au fait que les jeunes jouent en équipe, qui travaillent fort en équipe, c'est parce qu'ils ont un capitaine comme Jérôme Gravel, là, qui est très mature pour son âge, puis vraiment, là, m'impressionne à ce niveau-là, là, pour justement, là, il est en contrôle de toute sa chambre, puis on voit qu'il c'est naturel en lui là, justement là, d'avoir du leadership, puis très impressionné justement par son rôle. OK. Les élites version plus jeune un peu, parce qu'il y a du U14, il y a du U13 également. Comment ça va de ce côté-là? Oui. Ce que tu veux dire. Du côté. Ouais, c'est ça. Nos équipes pivotes, nos équipes bantam sont traînées jusqu'à maintenant, là. Sauf à l'année, qui est au lac Saint-Jean. Puis par rapport au programme en Russie, là, qui s'en vient, là, quand tu parles de 12, 13, 14, et 15, là, il y a un tournoi, pour les 8-12 et les 8-15, là, durant la semaine de relâche, après les fêtes, là, pour un tournoi 8-12 ou 15, là, à Gatineau. Okay. On est en train là, justement de regarder là, pour les sélections pour former l'équipe là dans le fond qui vont représenter les élites, les joueurs qui vont représenter les élites à ce tournoi-là. Ouais. On a profité du fait que tout le monde était affecté là durant le week-end justement pour faire des évaluations à ce niveau-là. Il y a une liste qui doit être réunie. Une première liste qui doit être réunie dans le courant du mois d'octobre là, à Hockey Québec. Avec M. Jean Leclerc, là, entre autres, là, on a regardé ça là, durant ce week-end, puis aujourd'hui, justement, dans la journée, là, pour sortir une première liste. Puis, il y a les U13 et U14, les programmes ici là, qui vont suivre là, à la fin de la saison, là, au printemps, là, à partir du début mai, aller jusqu'en juin. Justement, pour ceux qui vont peut-être soit deuxième année, soit dans la première année Bantam ou deuxième année Bantam. OK. Bastille, félicitations. C'est un bon début de saison. C'est sûr qu'il n'y a rien gagné, mais ce qui est gagné est gagné. Puis on va sûrement avoir l'occasion de se parler durant la saison. Ouais, c'est ça. Comme on dit, on est surpris, oui, mais en fin de semaine, le but, c'est vraiment de chercher des points contre Albatros pour prendre la tête de notre division et tout ça. Puis pour les moments là, qu'on va être dans cette position-là, ben ça va être. justement de l'adresser, de savourer, puis au moins ça donne une motivation supplémentaire là, pour qu'on soit à travailler fort là, le fait de protéger là, c'est possible. Ben bravo, puis on s'en reparle durant la saison. L'instructeur-chef des élites de Jonquière, Steve Thériault.